mon secteur. Ils m'en veulent l'inspecteur. Que je passe en zone, tu pas qu'on bouge. J'aime tout le monde même si j'ai qu'un cœur. J'esquive les acteurs. Si c'est mon pote, évite sa sœur. Oui, j'ai percé, j'ai fait le pain, mais j'ai gardé mes voileurs. Il me reste un péto. Je fais des petits coups, je mets tout. Je suis en ville, je fais des tours. Elle est bonne, je la détourne. En ce moment, ça va pas. Trop de frères au placard. Wesh, alors les gars, ah, ils sont où les mandats? Je suis toujours avec mes gars. Dans des mauvais états. Ne nous en voulez pas. On changera pas, on changera pas. Je suis resté le même fito. Je suis resté le même fito. Je suis resté le même fito. Je suis resté le même fito. Tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom dans le secteur. Je tom, tom, tom, tom, tom, tom, tom dans le secteur. Je suis dégueu dans ce monde. Vu d'en haut, je suis petit. Au quartier, je fais les rondes. De jeudi à jeudi. Commission rogatoire. Donc pas chez toi lundi. Et on m'a même dit, des fois ceux qui te font la bise aux flics donnent des indices. Je ne sais plus qui est qui. Maintenant je me méfie. J'évite les problèmes les filles. Dors pas avec ton selfie. Y'a des traits des BDA, je sais pas demain non. T'es deux potes s'embrouillent, t'es pas de mêler. Team Julie's essaieront de me stopper dans mon élan. Parce que je vais pas trop dans leur radio, pas trop dans leur télé. Je suis toujours avec mes gars. Dans des mauvais états. Ne nous en voulez pas. On changera pas, on changera pas. Je suis